à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Alors, lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique aujourd'hui, les nouvelles technologies, une émission Co-Économie avec Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. J'espère que tu vas bien. Mais oui Jérôme. Alors, prête à découvrir les nouvelles technologies qui nous entourent ? Complètement, parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas complètement. Eh bien parfait, on se retrouve dans quelques instants pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Alors avec les smartphones, tablettes et objets connectés, le numérique est présent dans tous les aspects de nos vies. Il facilite les démarches, rapproche les familles éloignées, aide à se soigner, bref, on ne peut pas échapper à ces nouvelles technologies et c'est l'occasion de revenir sur les dernières innovations à la mode et cette fois-ci avec les étudiants en DCG du lycée Georges de la Tour. Et avant d'aller plus loin, on va interroger la présidente de l'association des étudiants, justement, Madeleine donc Cordari, pour nous présenter sa section. Bonjour Madeleine. Bonjour. Alors Jérôme, DCG, ça veut dire quoi ? Alors Madeleine, justement. Alors le DCG est une licence qui est la première étape vers l'expertise comptable, mais qui permet également d'intégrer différents masters tels que la finance, la gestion, les ressources humaines et bien d'autres. On y retrouve quatre grands axes de formation, un axe comptable, un axe juridique, un axe économique et un dernier relatif au système d'information. Très bien, mais vous n'avez pas répondu, Madeleine, à la question de Francine, DCG. Ce sont des initiales. Alors, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas la formation. Oui, cela veut dire diplôme de comptabilité et gestion. Très bien. Alors, notre thème, donc, vous l'avez compris, ce sont les nouvelles technologies. On va commencer avec vous, donc, Madeleine et Fadoua, pour nous parler donc, des nouvelles technologies, mais cette fois-ci appliquées dans le domaine médical. Effectivement, avec Fadoua, nous allons parler des nouvelles technologies et de leur impact dans le domaine médical. En effet, sans les technologies, environ 80% des soins ne pourraient être effectués. Elles ont donc complètement changé les pratiques médicales. Mais au fait, Fadoua, qu'est-ce que tu entends par nouvelles technologies ? Alors, si on reprend la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'application de connaissances et de compétences organisées sous la forme d'appareils, de médicaments, de vaccins, de procédures et de systèmes développés pour résoudre un problème de santé et améliorer la qualité de vie. Donc, pour faire simple, ce serait la création de machines, innovations au service de la médecine. Exactement. Mais alors, quelles sont ces innovations et qu'apporterait-elle au domaine de la santé ? Eh bien Madeleine, la technologie a déjà beaucoup amélioré les pratiques médicales et ces nouvelles technologies en préparation risquent d'avoir un impact encore plus important. J'ai entendu par exemple parler de deux équipes médicales américaines qui développent une technologie appelée Orion qui pourrait révolutionner la vie de personnes ayant complètement perdu la vue. Ah oui, j'en ai déjà entendu parler. Ils ont créé des lunettes dotées de micro-caméras reliées au cortex optique via une soixantaine d'électrodes, donc des lunettes directement reliées au cerveau. C'est ça, c'est complètement fou de pouvoir relier des caméras jusqu'au cerveau. Mais la question, est-ce que ça marche vraiment ? Alors, pour les personnes nées aveugles, pas vraiment. C'est compliqué pour eux d'entraîner une partie de leur cerveau encore jamais utilisée. Mais pour les personnes qui le deviennent au cours de leur vie, c'est un changement bouleversant. Après des mois d'entraînement, ils peuvent apercevoir des formes et des couleurs et décrire leur nouvelle vue comme une vieille caméra des années 80. C'est clairement un changement de vie impressionnant pour ces personnes. Mais pouvoir relier des caméras aussi puissantes à nos yeux pourrait devenir effrayant. C'est pas faux. Certaines personnes pourraient finir par s'amuser à relier leurs yeux à des caméras super puissantes. D'ailleurs, vous connaissez tous Elon Musk, le PDG de Tesla avec ses projets plus que futuristes. Ben, figurez-vous qu'il aimerait créer une interface appelée Neuralink pour pouvoir faire communiquer la machine directement avec le cerveau. Mais comment ça pourrait être possible ? Alors, j'ai cru comprendre que ce serait grâce à un tout petit implant avec des millions d'électrodes dans le cerveau qui traduirait les données binaires, donc celles de l'ordinateur, avec notre cerveau en communiquant via Bluetooth et sûrement la 5G. Mais en quoi ça pourrait aider l'avancée médicale ? Alors ça pourrait être un grand espoir de guérison pour les personnes tétraplégiques ou celles avec des déficiences motrices. Ils ont déjà tenté l'expérience sur une truie appelée Gertrude. Grâce à l'implant, l'ordinateur pouvait déterminer à l'avance les mouvements que l'animal comptait faire. Ah oui, je vois, il pourrait implanter une deuxième puce en dessous de la brèche de la moelle épinière et les faire communiquer via Bluetooth et donc avec le bas du corps. Ce serait incroyable si ce projet aboutit. C'est vrai, mais cette volonté de symbiose entre corps humain et intelligence artificielle fait énormément débat. Dans le cas de Neuralink, on pourrait donc complètement contrôler le corps de la personne en ayant accès à la machine connectée au corps. Donc pour conclure, malgré une valeur ajoutée considérable de ces technologies pour le domaine médical, on se pose tout de même des débats écologiques, bioéthiques et de coûts conséquents par rapport à ces technologies. Des limites dont on pourrait reparler dans une prochaine émission. Tout à fait, donc Fadoua et Madeleine. Et mon passionnant. C'est passionnant et donc merci pour ces précisions qui montrent que les nouvelles technologies peuvent être au service donc, de la médecine. Alors donc, après donc la médecine, on va voir donc une nouvelle application des nouvelles technologies avec Océane et Alicia qui vont nous parler donc de l'intelligence artificielle. Bonjour à tous. La digitalisation prend de plus en plus d'ampleur dans le monde de nos jours, notamment avec le développement de l'intelligence artificielle. Elle est capable au travers de nombreuses techniques de reproduire des comportements relevant de l'intelligence humaine par le biais de machines. Et plus concrètement ? Il peut s'agir par exemple d'assistants intelligents intégrés dans les enceintes pour répondre à nos questions ou encore des voitures intelligentes. Mais cela va impacter certains métiers au niveau de leur mode de fonctionnement, voire même d'en supprimer, non ? C'est exact. Parmi les professions les plus touchées, nous pouvons notamment citer les métiers de la banque, de l'assurance, de la santé ou encore de la comptabilité. Et si nous nous intéressons au domaine de la comptabilité et les avantages procurés par l'intelligence artificielle sur la profession comptable ? L'intelligence artificielle a pour objectif d'automatiser un grand nombre de tâches, ce qui est bénéfique dans le domaine comptable car cela correspond à de nombreuses actions répétitives comme l'enregistrement de factures. Gain de temps, de performance et moindre erreur de saisie, cette technologie est très prometteuse. Et concernant l'exploitation des données comptables, sont-elles vraiment exploitables ? L'intelligence artificielle permet d'assurer la qualité des données financières ou encore de contrôler leur pertinence et leur cohérence, ce qui renforce leur fiabilité. Sans compter que cette nouvelle technologie est capable d'extraire les données par une simple requête. Oui, tu as raison, Alicia. De plus, les missions d'analyse et de conseil vont prendre une plus grande place dans le quotidien de l'expert comptable. Mais l'intelligence artificielle ne comprend pas que des avantages. Peux-tu nous présenter ses inconvénients ? L'apparition de cette nouvelle technologie expose déjà les entreprises à un coût d'investissement qu'il faut prendre en compte. Mais surtout, l'automatisation des tâches comptables a pour conséquence de nuire à l'exercice de la profession telle que nous la connaissons aujourd'hui en supprimant les postes peu qualifiés. Nous l'aurons donc compris, l'intelligence artificielle va faciliter le travail de l'expert comptable dans son quotidien, mais l'expose à changer ses habitudes de travail et se tourner vers le conseil, en n'oubliant pas que le contact humain sera toujours au rendez-vous dans la relation expert-comptable-client. Eh bien, merci donc Océane et Alicia pour cette synthèse sur l'application de l'intelligence artificielle dans le domaine comptable. Et on constate finalement, Francine, que désormais le métier d'expert-comptable va profondément évoluer dans les années à venir. Tout à fait, Jérôme. Et ce qui justifie d'ailleurs ce pourquoi Alicia et Océane sont là. Donc elles sont en diplôme de comptabilité de gestion et leur objectif et d'aller vers cette profession d'expertise comptable et donc non pas de faire des écritures qui est finalement le travail peut-être un petit peu rébarbatif, mais de pouvoir donner du conseil à des clients. Voilà, donc acquérir des conseils. Hein. Je crois que vous avez, je pense que vous suivez donc des formations dans le domaine, je crois, donc juridique, comptable, c'est ça. Hein, donc fiscalité également. Ouais. Hein, donc oui. Voilà, vous êtes là donc pour donner une certaine valeur à ajouter donc à ce métier d'expert comptable. On va maintenant passer donc à une autre chronique. Hein. On va voir une autre application donc de ces nouvelles technologies. On va parler donc semi-conducteurs. On va retrouver maintenant donc une nouvelle application des nouvelles technologies. On va parler semi-conducteurs. Alors vous en avez certainement entendu parler parce qu'il y a eu pendant plusieurs mois donc des manques donc au niveau donc des puces semi-conducteurs. On va retrouver tout de suite donc Jeanne et Anne-Sou. Oui, alors ces dernières années, on a assisté au développement de nouvelles technologies, par exemple avec la naissance des puces semi-conducteurs. Mais Jeanne, tu peux nous dire ce qu'est une puce semi-conducteur ? C'est une puce que l'on retrouve dans de nombreux produits pour permettre une interaction avec elle et répondre à la demande de l'utilisateur. D'ailleurs, est-ce que tu sais où on les retrouve ? Je sais pas, j'irais peut-être dans nos téléphones, les ordinateurs ou les nouvelles voitures ? Oui, mais pas seulement. On les retrouve aussi dans le domaine médical, avec les électrocardiogrammes, l'armée avec les drones et les robots, les industries avec les machines de production. D'ailleurs, avec le Covid, il y a eu une forte production de puces avec le développement du télétravail et de commandes d'objets connectés. Consoles de jeux, ordinateurs, tablettes. En gros, tout ce qui était bon pour s'occuper pendant le confinement. Ah oui, et à la suite du confinement, avec la reprise économique, j'imagine que la demande de puces électroniques a été importante. Je pense par exemple aux ventes de voitures qui ont dû fortement progresser et que pour assurer leur production, beaucoup de puces ont été nécessaires. Apparemment, il y a eu une croissance du marché des puces de 25% en 2021. Je trouve que ça fait beaucoup. Oui, et j'ai regardé, la demande a été soutenue en 2022, avec une croissance de près de 14%. Mais le souci, c'est l'offre, c'est-à-dire la production de puces, n'a pas suivi, puisque la demande était plus forte que l'offre. Par exemple, Renault estime une perte de 500 000 véhicules de production faute de disposer de ces puces. D'autant plus que la production de ces puces est concentrée en Asie. Les Américains et les Européens sont donc très dépendants de ces pays. Ah oui, d'ailleurs, j'ai regardé un TikTok la dernière fois qui parlait d'une tension entre les États-Unis et la Chine autour de ces puces, justement. Et apparemment, les États-Unis obligent donc les ingénieurs américains qui sont en Chine à rentrer aux États-Unis et que cette action entraînerait un arrêt total de la production de puces en Chine, puisque une grande partie de puces est fabriquée en Chine et du coup, ça créerait une pénurie. Oui, j'en ai entendu parler. Je pense qu'on a vu le même TikTok. Et c'est pour ça que le groupe américain Intel, qui fabrique des microprocesseurs, a décidé d'investir une usine de production aux États-Unis. Et ce n'est pas le seul, puisque beaucoup de groupes tels que Apple, Google et bien d'autres géants américains de la technologie, qui sont normalement dépendants de la production de Taïwan, 92% de la production mondiale, ont décidé de créer leurs propres semi-conducteurs. Par exemple, Apple a créé la puce M2, ou encore Google, la Google Tensor pour leur téléphone. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ça va réduire notre dépendance à l'égard des fabricants asiatiques, surtout que la demande de puces ne va cesser de croître. Oui, exactement. Peut-être qu'on aura bientôt nos voitures volantes, tant promises. Oh bah j'espère pas, j'ai peur du vide. Eh bien merci donc Jeanne et Ensou donc pour cette synthèse sur les puces semi-conducteurs. On voit que les puces semi-conducteurs sont en fait en permanence dans notre quotidien sans le savoir. Hein. Bah oui, on en entend beaucoup parler quand même. Hein. Ouais. Et c'est vrai que les pénuries font que on est obligé d'attendre parfois très très longtemps pour recevoir un produit commandé. C'est tout à fait. Et ça montre bien encore une fois un enjeu de souveraineté, comme on l'avait vu le mois dernier avec les batteries électriques. Hein. L'Europe, les États-Unis sont dépendants de l'Asie hein, pour ces puces semi-conducteurs, d'où la nécessité donc, en Europe et aux États-Unis eh bien, de réduire ces dépendances en créant ses propres usines. Eh bien, très bien, merci Jeanne et Ensou donc, pour cette synthèse sur les puces semi-conducteurs. Fadjet, un espace original d'expression et de dialogue. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Alors on va retrouver maintenant donc le premier coup de cœur musical donc des étudiants de DCG. Qui sera Shut Up and Drive de Rihanna. Stop. Alors, on va parler donc de nouvelles applications, des nouvelles technologies. On va aborder donc deux thèmes alors, qui, pour moi, sont tout à fait étrangers. Hein. C'est le, mais Francis, je ne sais pas si tu es au point, le métavers. Oh, pas vraiment. On entend beaucoup de publicité autour du métavers. Hein. Mais bon, je n'arrive pas trop à me projeter encore. Alors, si je te dis métavers, mais aussi NFT, ça te dit quelque chose? Oui, un petit peu. Oui, heureusement qu'on a les étudiants du DCG qui sont là pour nous éclairer. Hein, je n'ai encore pas envisagé de je ne sais pas, je suis pas artiste. Enfin, j'imagine ça pour les artistes, mais on peut mettre plein de choses sur le NFT, mais bon. Bon, bah, écoute, Chloé et Eva sont là pour nous éclairer. Alors, dites-nous tout sur les NFT. Nous allons essayer d'être le plus clair possible pour tenter de vous expliquer ce que sont les NFT. Chloé, peux-tu nous les définir? Alors, les NFT, non-fungible token ou jeton non-fungible en français, plus concrètement, un jeton non-fungible correspond à un certificat de propriété constitué d'un objet numérique unique stocké sur Internet, de manière sécurisée dans le but de prendre de la valeur. Grâce à ce jeton, vous serez donc propriétaire d'une œuvre que vous pouvez éventuellement revendre. Par exemple, la vente de l'œuvre numérique Everyday the First 5000 Days de l'artiste Beeple est une œuvre numérique vendue pour plus de 69 millions de dollars en 2021, qui se hisse du coup à côté des tableaux de Picasso ou Monet comme l'une des œuvres les plus chères jamais vendues aux enchères. Mais au fait, Eva, sais-tu quand est apparu le premier NFT ? Oui, c'est apparu en 2014. C'est l'œuvre Quantum de Kevin McCoy qui représente le premier NFT. Eva, sais-tu donc quels sont les avantages du NFT ? Un NFT te permet d'avoir une preuve d'authenticité et d'en retirer du profit. C'est-à-dire que dans le certificat d'authenticité, tu as le titre de l'œuvre, la date de création, une description et le nom de l'artiste. Le NFT est unique et peut être collectionné. Il est immuable, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais être modifié, remplacé ou effacé. De plus, leur transfert est immédiat et tu peux les consulter immédiatement sur Internet. Mais c'est génial. Quels sont les inconvénients du coup des NFT ? C'est un marché spéculatif. Les actifs numériques peuvent être reproduits, c'est-à-dire que même si tu possèdes le NFT, cela ne veut pas dire que tu contrôles le bien. Tu ne possèdes qu'un gage d'authenticité. Pour finir, les NFT peuvent être volés. Il existe plusieurs cas de vol causés par des failles de cybersécurité. Mais Chloé, comment estime-t-on la valeur d'un NFT ? La valeur d'un NFT est estimée en fonction de sa rareté et de son utilité. Et quelles sont les conséquences sur le plan environnemental ? Eh bien, les serveurs utilisés pour l'hébergement des œuvres ou les technologies nécessaires aux ventes aux enchères sont très énergivores. Par exemple, la vente et le stockage de l'œuvre Nyan Cat représenterait l'équivalent de 2 mois d'électricité pour un habitant européen moyen. Nous avons beaucoup parlé d'œuvres d'art, mais les NFT se trouvent-elles uniquement dans le domaine artistique ? Non, on trouve de nombreuses utilisations possibles des NFT pour accéder à des services et à des biens comme l'achat de places de concert. As-tu entendu parler d'un film financé grâce à une NFT ? Eh bien oui. En mai 2022, 50 000 NFT ont été mis aux enchères à 1 250 € unitaires pour le financement du film d'animation Plush. En contrepartie, le studio d'animation promettait 80% des recettes du film aux détenteurs de NFT, ainsi que la possibilité d'orienter le scénario. Mais attention, si le film ne se fait pas, c'est un investissement perdu et donc risqué. Du coup Eva, est-ce que j'ai réussi à te faire comprendre ce qu'est une NFT ? Oui, merci Chloé. Alors, si j'ai bien compris, Eva et Chloé, donc un NFT, ce sont donc des jetons, hein, c'est-à-dire qui justifient, qui permettent de me dire que je suis propriétaire, par exemple, d'une œuvre, hein, si j'ai bien compris Chloé. Oui, c'est ça. Bah, Jérôme, si tu sais dessiner, si tu es artiste, tu peux essayer, hein, puis tu nous diras. C'est pas mon fort, hein. Donc, et puis alors, je constate, tu sais que j'ai des soucis en anglais, et je constate que Chloé a une excellente prononciation en anglais. Alors, j'ai même envie d'écouter à nouveau le titre de l'œuvre que vous avez évoqué, là, qui a été vendu donc, en 2000 à 69 millions de dollars. Vous pouvez me rappeler C'était Everyday, the first 5000 days. Ah, c'est magnifique. Vous faites de l'anglais, je suppose, en DCG. Oui. Très bien. On va maintenant passer donc à un autre domaine, hein, c'est le métaverse. Alors, je connais Meta. Hein, c'est, genre, quand on parle de Meta, on pense à Mark Zuckerberg, n'est-ce pas, Valentin et Lucas ? Alors, dites-nous tout sur ce métaverse. Alors, le métaverse est un projet initié par Mark Zuckerberg, PDG de l'entreprise Meta et anciennement Facebook. Et selon lui, le métavers est un monde virtuel allant au-delà du monde réel. Je m'explique. C'est un monde de communautés virtuelles infinies et interconnectées où les gens peuvent se rencontrer, travailler et jouer à l'aide de casques de réalité virtuelle, de lunettes de réalité augmentée ou d'autres dispositifs. Pour cela, il faut créer un avatar en lui donnant une apparence unique avant de le catapulter vers un lieu où il va rencontrer d'autres personnages comme lui, dans un espace où ils pourront interagir les uns avec les autres. Lucas, peux-tu nous donner quelques exemples d'utilisation concrète du métavers ? Bien sûr, dans le métavers, il est presque possible de faire autant de choses que dans le monde réel. C'est comme si nous menions une seconde vie parallèle à la nôtre, en fait. Par exemple, il est possible d'acheter des terres ou nourriture pour nos avatars. Il est même possible de construire des maisons et donc de posséder un espace virtuel rien qu'à nous. Il est évidemment possible de customiser les habits de notre avatar en lui achetant des vêtements numériques, moyennant de l'argent réel. certaines marques de mode y ont déjà ouvert leur boutique. On peut par exemple y retrouver des marques comme Gucci, Prada ou Ralph Lauren. On peut bien sûr jouer à des jeux vidéo. Ce secteur va continuer à se développer de plus en plus ces prochaines années avec des jeux adaptés pour les casques virtuels. J'avais aussi entendu parler d'une histoire de concert particulier avec David Guetta. C'est vrai ça ? Oui, t'as tout à fait raison. En effet, dans le métavers, il est possible d'assister à un concert virtuel ou à d'autres événements. Certains artistes, dont David Guetta, comme tu l'as dit, ou encore Young Thug, ont déjà donné des concerts dans le métavers fin 2021 et d'autres sont d'ores et déjà prévus. Par exemple, d'autres artistes comme le sculpteur Jeff Koons y ont également exposé leurs œuvres. Donc si j'ai bien compris, pour le moment, le métavers n'est utilisé qu'en matière de divertissement. Alors non, figure-toi que ce n'est pas la seule utilité. Effectivement, le métavers peut également être utilisé dans des secteurs plus concrets. Par exemple, la médecine y trouve déjà une application. Un centre hospitalier à Perpignan a déjà ouvert une maison médicale dans le métavers où les patients diabétiques pourront obtenir des informations, échanger avec d'autres malades et sensibiliser les jeunes sur cette pathologie qui touche 4 millions de personnes en France. Des essais sont en cours pour l'utiliser afin d'hypnotiser certains patients, par exemple pour l'arrêt du tabagisme. Je dois bien reconnaître que le métavers nous offre de super possibilités, mais je pense qu'il est important de souligner ces quelques limites. Dans un premier temps, il faut évidemment posséder un casque de réalité virtuelle pour accéder au métavers, ce qui peut être un frein compte tenu du coût d'achat du casque, en moyenne 500 euros. Il en est de même concernant la connectivité. Les personnes dans les zones rurales risquent d'être lésées par le manque de connexion Internet. C'est vrai que le prix d'entrée risque d'en freiner plus d'un. Mais d'ailleurs, on ne l'a pas évoqué depuis le début, mais c'est populaire le métavers ? Eh bien, figure-toi que ce n'est pas le cas. D'après les premiers sondages, 65% des Français n'en ont pas entendu parler. On peut également s'attendre à une certaine réticence de la part de la population qui s'inquiète de l'émergence de ces technologies. En plus, le cybercrime devrait s'accroître avec l'apparition du métavers, à la fois pour la protection des données, pour la cybersécurité, mais également pour l'utilisateur lui-même. Comme le cas de Roblox, le jeu vidéo qui a connu des utilisateurs suspectés de télécharger des contenus illicites et de pratiquer des jeux sexuels. Pour finir, on peut s'attendre à ce que le métavers soit considéré comme une source de danger. Il peut être la source de cyberharcèlement, d'une perte de confiance en soi et peut créer une dépendance à l'espace numérique. Écoute, Jérôme, ça donne pas très envie. C'est un peu complexe tout ça. Alors, si j'ai bien compris, donc avec le métavers, donc je mets un casque de réalité virtuelle et puis je peux tu observer. Tu peux aller assister à un concert de David Guetta. Et puis je peux aller voir aussi l'œuvre que j'ai achetée en NFT. Exactement. C'est ça. Alors je trouve que ça peut être aussi, alors concrètement, avoir une utilisation dans l'immobilier avec un casque virtuel. Je pense que les agences immobilières vont pouvoir faire visiter. Là, c'est du concret. Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est possible. Il y a plein de métiers qui peuvent trouver leur utilité dans le métavers. Même le télétravail, par exemple, aussi, c'est possible. Bon, c'est vraiment une révolution qui va apparaître dans les années à venir. Donc, c'est le balbutiement, je pense, que, en ce moment, donc, uniquement de ces concepts. Oui, mais Meta a quand même bien du mal à lancer son affaire en ce moment. Oui. C'est pas évident. C'est pas évident. Eh bien, merci à tous les quatre pour ces précisions concernant le NFT et le métavers. On se retrouve donc dans quelques instants. On va écouter un nouveau coup de cœur de l'équipe DCG et après, on va parler donc voiture autonome. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Alors, avant de retrouver notre dernière séquence et où on va parler de voiture autonome, eh bien, on va écouter un coup de cœur donc, des étudiants de DCG. Alors, Lucas, vous avez choisi quelle musique ? Alors, moi, j'ai choisi Lost Angels de Swae Lee. Eh bien, on va retrouver tout de suite votre coup de cœur musical. Winter's over, let the sun in. Wife beat her on me, let's pull the rum. Wife beat her on me, I'll take you on. Come the closest, and you're shining like a summer solstice. Everyone's trying to figure you out. On the patio, they were just strung out. And I know what you're into. Fortune tellers couldn't tell you what to do. If I seem like I'm bad news, then hide from me, girl. I'm on the lookout, and you fit the criteria. I'm fucking taking you serious. Hide from me, girl. That fling, kiss the big face that I love dearly. nigga ain't near as cool as me. Hey, with all your might, I'm doing me. And I'm sure you never had this experience before. Helicopter on the roof, let's soar. Alors maintenant, après avoir parlé donc NFT et métavers, Francine, on va aborder un domaine plus concret pour nous, la voiture autonome, qui est une bonne synthèse de toutes les nouvelles technologies dont nous avons parlé aujourd'hui au cours de cette émission. Oui, et qui m'intéresse bien en plus. Hein. J'aimerais bien ne plus avoir à conduire. Ah bah c'est parfait. Alors on retrouve tout de suite donc Romain et Clara. Donc que pouvez-vous nous dire donc sur cette voiture autonome ? La France est le troisième pays au monde le plus ouvert au développement de la circulation des véhicules autonomes sur ses routes, grâce au grand nombre de bornes de recharge électrique présents en France. Mais avant de poursuivre, qu'est-ce qu'un véhicule autonome ? Alors, la voiture autonome, c'est déjà un véhicule électrique dont la conduite est en partie ou complètement automatisée, c'est-à-dire capable de circuler sans l'intervention de l'homme. Bien entendu, cela suppose que l'environnement corresponde à des conditions de conduite normales, car le système de pilotage automatique est complexe. Le véhicule est équipé de capteurs laser, radars et caméras, mais l'ensemble des décisions sont prises par une intelligence artificielle. Mais tous les véhicules ne sont pas dotés du même niveau d'automatisation. Oui, tout à fait. L'automatisation des véhicules est classée de 0 à 5, le plus bas signifiant une absence d'automatisation, tandis que le niveau 5 correspond à une automatisation complète. En France, le niveau 3 vient de rentrer en vigueur le 1er septembre 2022 par un décret. Alors Clara, à quoi correspond le niveau 3 ? Eh bien Romain, le niveau 3 permet aux conducteurs, dans certaines situations, de lâcher le volant. Mais ils doivent conduire eux-mêmes dans les zones où l'automatisation ne peut s'opérer. Quand le conducteur active l'automatisation, le véhicule prend alors le contrôle complet de la conduite, la direction, l'accélération ou encore le freinage. Mais Romain, il existe quand même certaines restrictions. Eh oui, le décret français précise que le système ne peut pas être activé au-delà de 60 km/h. En plus, il doit fonctionner que sur des routes dotées d'un séparateur central où les piétons et les cyclistes sont interdits. Mais surtout, le système doit pouvoir être désactivé à tout moment par une reprise en main du conducteur. Donc finalement, Romain, un automobiliste ne peut activer la conduite automatisée que sur une rocade embouteillée, ce qui paraît ridicule au vu du prix que coûte une voiture autonome. Seules deux voitures de la marque Mercedes-Benz, la Mercedes Classe S et la Mercedes EQS, qui tournent autour de 110 à 130 000 euros, sont homologuées en France. Oui, ce prix peut être excessif compte tenu des faibles possibilités d'utilisation de la conduite autonome. Pour l'instant, seuls Tesla et BMW sont en cours d'homologation, alors que le groupe Stellantis prévoit de sortir un modèle Horizon 2025 pour le niveau 3. Néanmoins, la voiture autonome représente une opportunité en or pour les constructeurs automobiles, mais aussi pour les particuliers qui pourraient voir leur quotidien évoluer grâce à ces voitures nouvelle génération. Et oui, le stress de la conduite serait diminué, les tâches parfois désagréables comme faire un créneau seraient supprimées, une conduite plus économique permettrait de limiter les dépenses d'énergie et les personnes en situation d'handicap auraient plus d'autonomie dans leurs déplacements. Malgré tout, il reste encore certaines barrières, comme les risques de défaillance ou de piratage du système informatique, le coût important, la technologie améliorée. En effet, le véhicule ne peut pas conduire dans des conditions météorologiques extrêmes ou lors d'une apparition soudaine d'animaux. Il y a aussi les contraintes liées aux formalités administratives en cas d'accident ou d'infraction. En cas d'accident, on a l'habitude de remplir un constat qui permet de déterminer la responsabilité de chacun. Mais avec le véhicule autonome, qui est vraiment responsable entre le constructeur automobile ou le conducteur ? En principe, tout conducteur d'un véhicule est pénalement responsable des infractions commises dans le cadre de la conduite du véhicule. Toutefois, lorsqu'une infraction est commise par une voiture contrôlée par un système automatique, c'est la responsabilité du constructeur ou de son mandataire qui doit être mise en cause. Mais le constructeur utilisant un véhicule autonome doit toujours se tenir prêt à reprendre le volant en main. Donc, pour l'instant, la législation n'est pas encore vraiment au point. Pour conclure, il reste donc de nombreux points à travailler, avec notamment les problèmes d'énergie, l'état des routes et la législation. Actuellement, on estime plus de 100 milliards de dollars ont été investis par certains constructeurs qui sont convaincus du modèle et leur objectif est d'atteindre une autonomie de niveau 4. Mais il faut savoir que personne n'a encore défini un modèle économique rentable. Donc c'est un modèle qui est en plein donc, développement, en plein de phase de recherche-développement. Alors Francine, toi, ton rêve de ne plus conduire, c'est pas pour le moment, hein, parce que si j'ai bien compris, donc c'est le niveau 3, ouais. Donc tu es obligé encore d'être actif. Et alors là, c'est tellement limité, 60 km/h avec un interplein central, c'est-à-dire jamais, quasiment. Quoi. Donc si le matin, quand au travail, il y a des embouteillages sur l'autoroute, mais c'est exceptionnel. Donc, Mais alors ainsi se termine... Donc, donc cette émission consacrée effectivement aux nouvelles technologies. J'espère que nous avons pu éclairer au mieux nos auditeurs sur ces nouvelles technologies. N'hésitez pas donc à faire vos commentaires sur la page Facebook de Radio Fadjet et nous faire part des suggestions sur les thèmes que vous souhaitez aborder dans cette émission. Eh bien Francine, on se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau thème. Tout à fait Jérôme, à bientôt. Eh bien d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de rester fidèles à Radio Fadjet.